Juste un truc à dire aussi. Non, parce que Yang, il y a une fonction pause. Là, ça enregistre. One check. Ouais. Oh, la petite planche là. Yeah. Un truc intimiste.